إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du livre Al-Madkhal ila ilm al-fiqh, c'est-à-dire l'introduction à la science du fiqh, écrit par le Cheikh Sulayman Abul Khayl, حفظه الله تعالى. Et au dernier cours, on a parlé de l'ijtihad et la signification de l'ijtihad. Et on a donné des conditions et on a détaillé tout ça. Et il y a un point que je n'ai pas mentionné qui est très important, c'est que parmi les choses qu'il faut comprendre aussi par rapport à l'ijtihad, c'est qu'est-ce que les ulama ont dit, l'ijtihad ma'an-nas. C'est-à-dire que s'il y a un texte qui est clair et explicite à propos de quelque chose, on n'a pas le droit de faire d'ijtihad à son sujet. Hein? On n'a pas le droit de faire d'ijtihad à son sujet. La seule chose qu'on fait, c'est de se soumettre, hein, et d'appliquer le texte. C'est tout. Et donc ça, s'il y a certains parmi les gens de l'égarement à notre époque, eux, ils veulent faire l'ijtihad sur des questions qui ont déjà été établies par des textes clairement dans le Coran et dans la Sunna. Et donc ça, c'est juste parce qu'en réalité, ils veulent essayer de suivre leur passion. Ça, il n'y a pas de doute. Hein? Donc, lorsqu'il y a un texte explicite sur quelque chose, on ne peut pas faire l'ijtihad. Hein, par exemple, quelqu'un ne peut pas dire, bon, on va faire l'ijtihad pour rendre le porc licite parce que, yani, aujourd'hui, comme certains égarés ont dit, on l'a entendu ça de la part de certains ignorants, ils ont dit, ouais, mais à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les porcs n'étaient pas bien entretenus, donc les porcs étaient sales, donc c'était haram. Mais maintenant, les porcs sont bien nettoyés, bien propres, bien entretenus, donc le porc est devenu halal. Ça, c'est de l'ignorance totale. Et celui qui dit ça, il a fait un ijtihad alors qu'il y a un texte clair qui interdit le porc. Hein? Peu importe de quelle manière il est entretenu. Donc, tu ne vas pas venir changer ça. Et la même chose pour n'importe quel autre sujet sur lequel il y a un texte explicite et clair. Il n'y a pas d'ijtihad quand il y a un texte explicite. D'accord, on va passer maintenant au chapitre suivant, et c'est un chapitre vraiment important, et c'est à propos de Asbab Irtilaf al-Fuqaha, c'est-à-dire pourquoi les causes qui ont amené les divergences entre les Fuqaha, pourquoi il y a des divergences entre les Fuqaha, c'est-à-dire les savants de fiqh, pourquoi il y a des divergences entre eux sur des sujets, sur des questions, et c'est ça qu'on va lire aujourd'hui. Le Cheikh, il a mentionné 6 causes. 6 causes de divergence. Mais il peut y en avoir plus que ça. D'accord? Donc, je vais vous résumer les 6, puis après on va les voir une par une, chacune d'entre elles, avec les exemples et les détails. La première cause de la divergence qui peut y arriver, c'est l'ikhtilaf au ma'ani al-alfaz al-arabiya. C'est-à-dire la divergence au sujet de la différence, des différentes significations des mots arabes. Des fois, les ulama, ils peuvent diverger entre eux parce que ils divergent à propos de la signification d'un mot en arabe. D'accord? Deuxième cause, ikhtilaf al-riwaya, c'est-à-dire la divergence au sujet d'une narration ou d'un hadith, soit au sujet de son authenticité, ou au sujet de sa chaîne de transmission, ou au sujet d'un des narrateurs. On va voir les exemples. La troisième parmi les causes de divergence entre les fuqaha, ikhtilaf al-masadir. Ikhtilaf al-masadir, c'est-à-dire la divergence au sujet des références qu'ils utilisent par rapport à la charia. Et bien entendu, quand on parle des divergences au sujet des références, c'est pas le Coran, la Sunna, l'Ijma, le Qiyas, ces quatre choses-là, tous les savants sont d'accord. Nous, on parle des divergences, des références, quand c'est des références sur lesquelles il y a des différences d'opinion. Donc, c'est en dehors de ces quatre qu'on a mentionné, le fait de la référence du Coran, de la Sunna, du Qiyas et de l'Ijma. Hein, en général, ça c'est accepté par les ulama, mais il y a d'autres sur lesquels il y a des divergences. Le Cheikh il dit aussi, Rabi'an, ikhtilaful qawa'id al-usuliyya, c'est-à-dire les divergences au sujet des règles fondamentales qu'ils emploient dans le fiqh, les règles de fiqh et de usul. Donc, il y a des règles fondamentales. Parfois, certains ulama, ils ont des divergences entre certaines de ces règles-là. Hein? Soit par rapport à la façon de l'appliquer, ou bien au sujet même de la règle elle-même. On va donner quelques explications et quelques exemples. Khamisan al-ijtihad ou bil-qiyas. Les divergences entre les ulama à cause de l'ijtihad et lorsqu'ils font les analogies dans l'ijtihad. Donc, par exemple, certains ulama vont diverger dans les comparaisons et les analogies qu'ils font entre deux choses pour établir un verdict sur une chose. Et sixièmement, at-ta'arud wa at-tarjih bayn al-adilla. Donc, des fois, ils ont divergence. Pourquoi? Parce qu'ils divergent dans la manière de gérer les choses qui semblent être opposées ou contradictoires dans les textes qu'ils ramènent comme preuve au sujet d'une question quelconque. Donc, quand il y a une apparente divergence, une contradiction apparente, ou plutôt une apparence de contradiction, oui. Quand il y a une apparence de contradiction ou d'opposition entre deux textes, comment ils font pour gérer cette apparence de divergence-là? Et qu'est-ce qu'ils mettent, à quoi ils donnent précédence? Hein? À quoi ils donnent précédence dans ce cas-là? La façon dont ils gèrent ça, chacun, des fois, ils peuvent peut-être employer ou avoir recours à une technique ou une méthode différente, ou donner précédence à une chose par rapport à une autre. Et donc, c'est ce qui fait que parfois, il peut y avoir des divergences entre les ulama à cause de ça. OK. La première exemple que le Cheikh a mentionné, il dit, Inna ahamma asbab ikhtilaf al-fuqaha fi istinbat al-ahkam al-shar'iyya min al-adillati al-dhanniyati wa huwa ma ya'ti awwalan ikhtilaf ma'ani al-alfaz al-arabiyya. وذلك إما بسبب كون اللفظ مجملا أو مشتركا أو مترددا بين العموم والخصوص أو بين الحقيقة والمجاز أو بين الحقيقة والعرف أو بسبب إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة أو بسبب اختلاف الإعراب والاشتراك في الألفاظ إما في اللفظ المفرد ككلمة أو كلفظ القرء الذي يطلق على الأطهار وعلى الحيضات ولفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو على الندب ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو الكراهة. Donc le Cheikh il dit, des fois les causes parmi les divergences entre les ulama, on peut calculer la première chose qui est mentionnée, c'est les divergences au sujet des termes arabes, des mots arabes. Des fois, pourquoi? Parce que c'est possible qu'un mot soit général ou un mot qui soit, par exemple, un mot qui s'écrive de la même manière, mais qui a différentes significations, ou parfois c'est des mots différents, mais qui ont la même signification aussi. Il y en a d'autres, des fois, qui divergent entre, ou des mots qui vont entre un sens qui est plus général et d'autres qui est plus particulier. D'autres, parfois, c'est est-ce que le mot il est employé dans son sens réel ou dans son sens allégorique ou symbolique. Entre le sens réel d'un mot et le sens qu'il a dans ce qui dans la de la façon qu'il est employé par certaines personnes selon les coutumes d'une région ou d'un pays en particulier ou d'un endroit en particulier. Parce que, par exemple, tel mot, il peut avoir telle signification dans la langue arabe, mais dans telle région, il est employé dans un autre sens, à cause de la coutume de ce pays-là ou de cette région-là. Hein? Donc, ça, c'est un exemple aussi. Tout ça, ça peut être des causes de divergence. Aussi, la divergence aussi, parfois, à propos d'un mot, est-ce qu'il est limité ou restreint ou non? Est-ce qu'il y a une divergence dans l'analyse grammaticale d'un mot, le rôle qu'il joue dans la phrase? Des fois, certains savants vont diverger à propos de ça. Ou bien parfois, c'est le mot, le vocabulaire lui-même, le terme lui-même, qui peut avoir plusieurs sens. Comme par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne Al-Quru à propos du divorce, et il dit que la femme, elle doit attendre 3 Quru. Mais le terme Quru, ça peut vouloir dire 3 périodes de pureté, ou ça peut vouloir dire 3 périodes de menstruation. Donc, laquelle des deux? Est-ce que c'est la femme doit attendre 3 périodes de pureté ou 3 périodes de menstruation? Et donc, c'est pour ça que ça peut causer des divergences entre les ulama. Certains vont prendre une signification et d'autres vont prendre l'autre. Et c'est ce qui fait qu'ils vont diverger entre eux. L'ordre. Ou la forme impérative, est-ce que ça implique l'obligation ou que c'est recommandé? Et l'interdiction, est-ce que ça a le sens de l'interdiction ou bien le fait que c'est détestable? Ça, c'est des exemples. Il dit, وَإِمَّا فِي اللَّفْظِ الْمُرَكَّبِ. Donc, on va, le cheikh, il fait juste mentionner les exemples, mais il ne va pas détailler la réponse à chacune de ces cas-là. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas de détailler. Le but, c'est juste de faire comprendre pourquoi il peut y avoir des divergences. Et non pas de trancher sur ces questions-là, parce qu'il y a des réponses sur chacun de ces points-là. Il y a des détails sur chacun de ces points-là. Mais le but, ce n'est pas de détailler ces points-là maintenant, mais juste de les mentionner pour qu'on sache qu'il peut y avoir ces causes-là aux divergences entre les ulama. D'accord? On n'est pas encore rendu là. Riwaya, c'est quoi? C'est les narrations, les hadiths. Imma fi lafz al-murakkab, mithlu qawlihi ta'ala ba'da ayati hadd al-qadf illa alladhina tabu. Fa'innahu yahtamilu an ya'ud ala al-fasiq faqat, wa yahtamilu an ya'ud ala al-fasiq wa shahid. Fatakunu at-tawbah rafi'atan lil-fisqi wa mujizatun li لمجيزة شهادة القاذف مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اختلف في الفاعل هل هو الكلم أو العمل وإما في الأحوال العارضة نحو ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن لفظ يضار يحتمل وقوع الضرر منهما أو عليهما ومثل التردد بين العموم والخصوص في قوله تعالى لا إكراه في الدين هل هو خبر بمعنى النهي أو هو خبر حقيقي والمجاز له أنواع إما الحذف أو الزيادة أو التقديم أو التأخير والتردد بين الإطلاق والتقييد ومثل إطلاق كلمة الرقبة في العتق في كفارة اليمين وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل الخطأ إلى آخره. Donc là il donne des exemples. Je vais pas tout traduire qu'est-ce que le cheikh a dit ici, mais c'est juste pour dire que parfois par exemple tu vas dire un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est vers lui que monte la bonne parole et la bonne action l'élève. Donc, il dit, le cheikh ici, dans ce verset, on a divergé sur le sujet. Est-ce que c'est la parole ou c'est l'action? Tu vois? Ou bien, par exemple, « Illa alladhina tabu » dans le verset, dans Surat An-Nur, le verset 5, excepté ceux qui se sont repentis. Est-ce que ça parle à propos du pervers seulement ou du témoin aussi? Donc, pour dire que les ulama, ils ont divergé dans ces choses-là. Ou bien le verset, là, ikraha fid din, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de contrainte en religion. Est-ce que c'est une information qui indique l'interdiction de la contrainte ou c'est seulement une information? Hein? Et al-majaz, donc quand quelque chose, il donne d'autres exemples. En tout cas, tout ça, c'est pour dire que sur le plan de la langue arabe, il peut y avoir des divergences. En résumé, c'est ça qu'on peut dire. C'est que les ulama, ils peuvent diverger entre eux à cause de la façon, les divergences qu'ils ont entre eux sur la signification des mots et sur des questions linguistiques. Donc ça peut être, c'est la première cause, la première cause que le cheikh a mentionnée, pourquoi les savants peuvent diverger entre eux. Des façons de comprendre les mots, ils ne le comprennent pas de la même façon, ou bien la façon d'interpréter les choses sur le plan linguistique, il y a des divergences, sur le plan grammatical, il y a des divergences, et ainsi de suite. Ça, c'est une des causes des divergences entre les savants. Deuxièmement, « اختلاف الرواية ولهو أسباب كثيرة ». Et le cheikh, il mentionne 5 exemples dans les divergences à propos des narrations. 5 exemples. La première, « أن يصل الحديث إلى أحدهم ولا يصل إلى غيره ». Premièrement, il y a un hadith, il y a un savant qui l'a reçu, ce hadith-là. C'est-à-dire, ce hadith-là lui est parvenu, il l'a su. Mais l'autre savant, il ne l'a pas reçu. C'est-à-dire, il n'y a personne qui lui a transmis le hadith. Donc lui, il a jugé selon ce hadith-là pour répondre à une question, mais l'autre qui ne le connaissait pas, le hadith, il n'a pas jugé selon le hadith parce qu'il ne le connaissait pas. Donc c'est sûr qu'ils vont diverger dans leur jugement. Hein? Celui qui connaît le hadith, il va juger selon ce qu'il connaît. Celui qui l'ignore, il ne peut pas juger selon ce qu'il ignore. Donc, il juge selon ce qu'il connaît. Et ça amène que les savants, ils divergent. Peut-être qu'ils n'auront pas le même verdict. D'accord? Ça, c'est une des causes. Deuxième exemple à ce sujet de la transmission du hadith. « أن يصل الحديث إلى أحدهم من طريق ضعيف لا يحتج به ويصل إلى الآخر من طريق صحيح. » Et ça, c'était à l'époque. On parle des divergences depuis l'époque des grands imams. Pas aujourd'hui seulement. Donc, il parle à l'époque du hadith, par exemple, qui arrive à un des savants. Lui, il le reçoit par une chaîne de transmission qui est faible, donc il ne l'accepte pas, parce que ce n'est pas une preuve, puisque le hadith, pour lui, il est venu par une chaîne qui est pas authentique. Donc, il n'accepte pas ce hadith. Tandis que pour un autre savant, on lui transmet ce hadith-là, le même, mais par une chaîne de transmission qui est authentique. Donc, lui, il le prend et il l'applique. Et il juge selon ce hadith-là. Donc ça, c'est une des causes pourquoi lui, il a divergé avec lui. Ils n'ont pas eu la même réponse sur cette question-là. Parce que lui, il a eu la preuve authentique, mais lui, il l'a eu, mais ce n'était pas authentique. Il l'a pas eu de façon authentique, donc il ne l'a pas accepté. Troisièmement, « أن يصل الحديث إلى واحد منهم من طريق واحد ويرى أحدهم » في بعض رواته ضعفا ويعتقده ولا لا يعتقده غيره. Donc des fois les deux hadiths, les deux savants, ils reçoivent le hadith de la même chaîne de transmission. C'est-à-dire ils ont reçu le hadith avec les mêmes narrateurs. Sauf que l'un d'entre eux, il voit que un de ses rapporteurs ou des narrateurs, il est faible, tandis que l'autre, il le considère pas faible. Il y a eu des divergences comme ça à cause de ça. Quatrièmement, أن لا يرى أحدهم الضعف في أحد الرواة الحديث مانعا من قبول الرواية وهذا مبني على الاختلاف في طريق التعديل والترجيح. Donc le cheikh dit ici que un d'entre eux, il considère pas un narrateur comme étant, ou bien il considère pas que la faiblesse d'un des narrateurs fait en sorte que on ne peut pas accepter de lui qu'est-ce qu'il a rapporté. Et ça, c'est basé sur les divergences qu'ils ont parfois, les savants, entre eux, sur la manière dont ils appliquent la science du jarh et du ta'dil. D'accord? Et cinquièmement, « أن يصل الحديث إليهما من طريق متفق عليه غير أن أحدهما يشترط في العمل به شروطا لا يشترط الآخر كالحديث المرسل وهو ما رواه غير الصحابي بدون سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il donne ici un autre exemple. Il dit que un savant, par exemple, il lui est parvenu un hadith d'une voie et d'un chemin qui est yani authentique, muttafaq alayh. Hein? Sauf que il donne comme condition pour l'application de ce hadith des conditions que l'autre n'a pas établies, n'a pas établi lui-même. Comme le hadith al-mursal, c'est-à-dire le hadith qui est transmis par autre qu'un sahabi et qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un hadith qui est transmis par autre qu'un sahabi et attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire une parole de quelqu'un comme un tabi'i par exemple qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça c'est un hadith, il manque le sahabi dans la chaîne de transmission. Le tabi'i, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais lui il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission. Il manque un sahabi. Hein? Et donc, si c'est un sahabi qui manque, bon, ça c'est une chose, mais pour dire que il y en a qui l'acceptent, il y en a qui vont l'accepter, il y en a qui ne l'acceptent pas, peut-être. Donc ça, c'est une cause de divergence entre les ulama. Ça, c'est la question de la riwaya. Qu'est-ce qu'on donne ici? C'est juste des grandes lignes, c'est pas les détails. Il y a d'autres détails sur ce sujet-là. On fait juste mentionner ça pour faire comprendre pourquoi il peut y avoir des divergences entre les ulama. Et non pas pour, comme j'ai dit, rentrer dans les détails de ces questions-là et pour répondre à chacun de ces points-là. Parce qu'il y a des réponses sur ces questions-là pour comment les ulama ont géré ces situations-là. Il y a des réponses à ça. Mais ce n'est pas ça le but maintenant du cours ou bien du chapitre. Troisièmement, اختلاف المصادر. فهناك أدلة اختلفوا في مدى الاعتماد عليها كالاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصحاب ودعوى البراءة الأصلية أو الإباحة وعدمها والذرائع. Donc, troisièmement, il y a des divergences entre les ulama sur les références qu'ils utilisent. Yani les références qu'ils utilisent en dehors des références de base de la charia. Et donc, il y a certaines des preuves qu'ils peuvent utiliser qui parfois sont, ils sont pas toutes acceptées par tous les savants. Comme par exemple, al-istihsan, ou bien al-masalih al-mursala, wa qawl al-sahabi. Ok? Et donc, قول الصحابي. Il y en a qui considèrent que la parole d'un sahabi, est-ce que c'est une preuve ou est-ce que c'est pas une preuve? Hein? اختلف العلماء في قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. Donc s'il y a un sahabi qui dit quelque chose et personne d'autre ne l'a contredit parmi les autres sahaba, est-ce que c'est une preuve dans ce cas-là ou non? C'est pas tous les ulama qui sont d'accord à ce sujet-là. الاستصحاب. Ça aussi c'est un autre exemple de principe que c'est pas tous les ulama qui sont d'accord. Al-bara al-asliya, c'est-à-dire de se baser sur l'origine ou la situation, la question aussi des dhara'i, c'est-à-dire dhara'i, les choses qui peuvent t'amener à tomber dans quelque chose qui est interdit. Donc tu vas interdire quelque chose, non pas parce qu'elle est interdite elle-même, mais parce qu'elle peut t'amener à tomber dans un péché. Donc ça, c'est un principe qui est connu dans la charia. Et c'est possible qu'il y ait, hein, il y a des preuves à son sujet dans le Coran et dans la Sunna. Mais le cheikh, il mentionne ici, il dit peut-être que dans certains cas, il y a des divergences entre les ulama sur ces sujets-là. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième, l'irtilaf fil qawa'id al-usuliyya. Ka qa'idat al-am al-makhsous, laysa bi-hujja. والمفهوم ليس بحجة والزيادة على النص القرآني نسخ أم لا ونحو ذلك. Donc ça c'est des sujets qui ont rapport avec les règles de usul et que sur certaines de ces règles-là, les savants ne sont pas toujours d'accord entre eux à leur sujet. Aussi, l'ijtihad et le qiyas, ça c'est le cinquième. Il dit « wa huwa awsa'u l'asbab ikhtilafan ». Donc ça c'est la cause, une des plus larges causes de la divergence entre les ulama, c'est l'ijtihad qu'ils font en se basant sur le qiyas. Et le qiyas c'est l'analogie. Et l'analogie c'est quoi? Le qiyas c'est quoi en arabe? La signification c'est... tous ces sujets-là, ils deviennent clairs uniquement lorsqu'on donne des exemples. Si on ne donne pas d'exemples, c'est difficile à faire comprendre. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir justement expliquer ces choses-là, si tu vas les expliquer, de les expliquer en donnant des exemples pour faire comprendre à la personne de quoi on parle. Sinon, ça reste un petit peu abstrait et ça reste un petit peu compliqué à comprendre. Mais comme j'ai dit, je vous ai donné un exemple et le but, c'est juste de rapprocher le sens pour qu'on puisse comprendre pourquoi il y a parfois certaines divergences. Et donc, le cheikh, il dit, « فَإِنَّ لَهُ أَصْلًا وَشُرُوطًا وَإِلَّا وَلِلْإِلَّا شُرُوطٌ وَمَسَالِكٌ » Donc, pour établir le lien entre les deux, il y a des conditions que les ulama ont établies. Ok, وَكُلُّ ذَلِكَ مَجَالٌ لِلِاخْتِلَافِ. Toutes ces choses-là, il peut y avoir à leur sujet des divergences. D'accord? Et c'est pour ça que parfois, dans un madhab, il y a une divergence entre un savant et un autre. Parce qu'ils ont une divergence dans la façon, les conditions qu'ils ont établies pour établir des relations entre les deux choses en question. À cause de ça, ils n'arrivent pas au même verdict parce qu'ils ont des divergences dans la façon d'établir les liens. والاتفاق بالذات على أصل القياس وما يجري فيه الاجتهاد وما لا يجري أمر يكاد أن يكون غير متحقق كما أن تحقيق المناط. En tout cas, tout ça c'est des choses sur lesquelles il peut y avoir des causes qui impliquent que les ulama vont diverger entre eux à leur sujet. Le point numéro 6, التعارض والترجيح بين الأدلة وهو باب واسع اختلفت فيه الأنظار وكثر فيه الجدال أو الجدل وهو يتناول دعوى التأويل والتعليل والجمع والتوفيق والنسخ وعدمه والتعارض إما بين النصوص أو بين الأقيسة مع بعضها والتعارض في السنة وقد يكون في الأقوال أو في الأفعال وفي التقريرات وقد يكون الاختلاف بسبب وصف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو سياسة أو إفتاء وزوال التعارض بأسباب من أهمها الاحتكام إلى المقاصد الشريعة وإلى مقاصد الشريعة وإن اختلفت النظرة إلى ترتيب المقاصد. Donc ça c'est le dernier point et c'est la divergence quand il y a par rapport au tarjih entre les différentes preuves lorsqu'il y a une apparence de divergence ou de contradiction entre les textes. Et donc, certains ils vont dire, par exemple, dans ce cas-là, si un texte dit une chose, puis l'autre dit autre chose, donc il y en a qui vont dire, il faut les réunir ensemble, et on applique chacun de ces textes-là dans une signification spécifique. Donc lui, il a un sens spécifique, et l'autre, il a un autre sens spécifique. Donc, il y a des ulama qui vont gérer cette question-là de façon différente. Soit parce qu'ils vont essayer de les réunir entre les deux et ils vont expliquer que chaque hadith a une signification spécifique. Ou bien, il y en a qui vont mentionner, par exemple, dans un autre cas, pas nécessairement de celui-là, mais dans d'autres situations, que certains hadiths sont abrogés par d'autres ou un verset a été abrogé par un autre. Ça, c'était au début de l'islam, puis après, ça a été abrogé par un autre texte. D'accord? Et ainsi de suite. Et c'est possible que dans des cas comme ça, les savants aient différentes façons de juger. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. De juger dans leur façon de gérer ces textes-là. Et ce qui fait que les savants vont avoir des points de vue différents et des divergences entre eux à cause de ça. Donc, ça, c'est les causes les plus importantes de divergence entre les ulama. Comme je disais, c'est seulement le but c'est seulement de les mentionner et pas de les expliquer, parce qu'il y a un livre qui a été écrit par Cheikh Ibn Taymiyyah qui s'appelle Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam, c'est-à-dire retirer le blâme au sujet des grands imams qui ont eu entre eux des divergences sur différentes questions dans le fiqh. Et ils ont expliqué que ces divergences-là, pourquoi elles se sont produites, pourquoi elles ont eu lieu, et c'était quoi les causes de ces divergences-là. Puis, il explique ça d'une façon vraiment intéressante et claire pour comprendre pourquoi les ulama ont divergé et c'est quoi notre position et notre attitude face à ces divergences-là entre les ulama. Donc, c'est un livre très bénéfique de Cheikh Ibn Taymiyyah qui a été expliqué par de nombreux shuyukhs à notre époque. Il y a des shuruhs de ce livre-là qui sont très intéressants. Et si vous regardez, donc ceux qui peuvent écouter les paroles des ulama à propos de ce livre, ils vont avoir plein d'exemples mentionnés par le Cheikh dans le livre, puis ils vont avoir une compréhension donc, par la suite beaucoup plus approfondie des questions de divergence entre les ulama et comment comprendre ces divergences-là. Donc ça, c'est ce qui vient compléter le sujet du chapitre. Donc on a terminé et le prochain cours sera à propos des différentes époques par les différentes époques qui ont العصور التي مر بها الفقه, c'est-à-dire le fiqh il a passé par différentes époques et à chaque époque à chaque époque il s'est développé, le fiqh s'est développé à chaque époque. Et donc qu'est-ce qu'il fait le cheikh, c'est une historique du développement du fiqh et il explique comment ça se passait à l'époque de la révélation, comment ça s'est passé par la suite à l'époque des Khulafa al-Rashidin, comment ça s'est passé à l'époque des jeunes parmi les Sahaba et des premiers Tabi'in. Puis il va par la suite continuer jusqu'à l'époque des quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, et donner leur histoire et expliquer leur vie et tout. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ça la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et après le maghrib, il y aura le cours de tafsir al-Baqarah, inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar.